That's when I heard that highway sound. Cadillac setting like a ton of lead, 110 and a half a mile ahead. Cadillac looking like it's setting still, and I caught Maybelline at the top of the hill. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. Voilà donc le premier titre, Maybelline, grand, grand, grand souvenir de ce grand monsieur Chuck Berry. Alors, son surnom, c'est Crazy Leg. Il est né le 18 octobre 1926 à Saint-Louis, dans le Missouri, aux États-Unis. Et il est décédé, bien entendu, comme je vous le disais, ce week-end, donc le 18 mars 2017, à l'âge de 90 ans, à Saint-Charles, dans le Missouri. Donc ta activité principale, ben, c'était un chanteur musicien, hein, genre musical rock'n'roll, rhythm and blues et du blues, l'instrument guitare et guitare électrique. Année d'activité, là tenez-vous bien quand même, 1953 à 2017, c'est quand même une grande, grande, grande période. Il était chez Cheese Records de 1953 à 1965, puis de 1969 à 1975, pour après il est passé chez Mercury Records de 1966 à 1969 et après d'autres labels. Alors, son nom, c'est Charles Edward Anderson Berry, dit Chuck Berry, né à Saint-Louis dans le Missouri le 18 octobre 1926 et il est décédé, donc comme je vous le disais, le 18 mars 2017 à Saint-Charles. C'est un guitariste, chanteur, auteur, compositeur américain et un des pionniers de la musique du rock'n'roll. Avec les chansons comme Maybelline, juste celle qu'on vient de s'écouter juste à l'instant, qui est sortie en 1955, ce titre quand même, hein, Roll Over Beethoven en 56, Rock and Roll Music en 57, ou Johnny B. Goode, le grand Johnny B. Goode, en 1958, Chuck Berry a développé le rhythm and blues de son temps en y apportant des éléments distinctifs de ce qui deviendra le rock'n'roll. Des paroles axées sur la vie adolescente, le consumérisme, ainsi d'éléments qui exerceront une influence majeure sur la musique rock, subséquente. Il a influencé de nombreux autres artistes et son répertoire est très souvent repris, notamment ses titres les plus célèbres, Johnny B. Goode, Roll Over Beethoven et bien d'autres standards. En 2003, Rolling Stone Magazine l'a classé 6e meilleur guitariste de tous les temps et 25e plus grand chanteur de tous les temps. Il est également classé 7e sur la liste des 10 plus grands joueurs de guitare électrique de tous les temps par le magazine Times en 2009. Chuck Berry fut probablement le seul compositeur qui, de son vivant, pouvait se produire en concert dans n'importe quel endroit de la planète en recrutant sur place à la dernière minute, éventuellement le jour même, dans le bistrot d'en face, la salle de concert, les musiciens pour l'accompagner qui connaissaient déjà son répertoire et peuvent improviser dessus. Voilà, c'était un petit aperçu. Après, on continuera en parlant un petit peu de sa biographie et des choses comme ça. Et là, on va s'écouter le deuxième titre que je vous propose de Chuck Berry, qui s'appelle tout simplement 13 Days. En couleur, en concert, sur RQC. I'm gonna give you 30 days to get back home. I done called up a gypsy woman on the telephone. I'm gonna send out a worldwide hoodoo. That'll be the very thing that'll suit you. I'm gonna see that you be back home in 30 days. For 30 days. Oh, 30 days. Baby, I'ma see that you be back home in 30 days. Well, she gonna send out a worldwide hoodoo. That'll be the very thing that'll suit you. I'm gonna see that you be back home in 30 days. And I talked to the judge in private early this morning. And he took me to the sheriff's office to sign a warrant. They gon' put a cross charge again ya, yeah. That'll be the very thing that'll send ya. I won't see that you be back home in 30 days. Oh, 30 days. Oh, 30 days. I won't see that you be back home. darling, I'm gonna see that you'll be back home in 30 days. Give me no consolation, I'm gonna take it to the United Nations. I'm gonna see that you be back home. Voilà, donc c'était le titre Third Day de Chuck Berry. Alors, Chuck Berry découvre la musique dans l'église locale où il se rend régulièrement avec ses 6 frères et sœurs. Ses parents font en effet partie de la chorale locale. Il est scolarisé à la Simon's Grade School, puis à la Summer Grade School. Il apprend la basse et la guitare dans le club musical Glee. En 1944, encore jeune homme, il passe 3 ans dans une maison de redressement pour vol à main armée. Et à sa sortie, il travaille pour la General Motors, puis comme coiffeur en 1951 et se lance dans la musique avec Johnny Johnson au piano. Son premier enregistrement chez Cheese et son premier succès, Maybelline, est enregistré en mai 1955, sort en juillet. Atteint la première place des charts Rhythm and Blues en août et s'y maintient pendant 11 semaines. Il monte aussi à la 5e place dans le Billboard 100 pendant les 5 années suivantes. Berry enchaînera une remarquable série de succès qui deviendront des classiques de rock tels que 30 Day, Brown Head and so on, Sweet Little Sixteen, Rock and Roll Over Beethoven, School Day, Rock and Roll Music, Carol et bien sûr le fameux Johnny B. Goode. Il a à nouveau des ennuis judiciaires en octobre 1961 lorsqu'il invite une jeune Apache de 14 ans qu'il a rencontrée à Mexico pour la faire travailler dans son club de nuit, le Berry Club Benstead à Saint-Louis. Je change de page. Après l'arrestation de la jeune fille pour prostitution, elle-même aura fait croire à Berry qu'elle était majeure, c'est-à-dire qu'elle avait 21 ans. C'est au tour de Chuck Berry d'être accusé d'avoir transporté une mineure entre deux États pour l'exploiter. Berry est condamné à 20 mois de prison ferme. Il doit verser une amende de $5,000 et il est libéré en 1963. Il change de maison de disque en 1966, quittant Cheese Records pour Mercury Records jusqu'en 1969, puis il revient chez Cheese. Pendant des années, Chuck Berry a tourné avec sa seule guitare Gibson, confiant dans le fait d'y trouver sur place un groupe connaissant sa musique et capable de le suivre sans avoir répété avant. Parmi les artistes qui ont joué ce rôle, on trouve Bruce Springsteen ou Steve Miller. Le 13 septembre 1969, il fait une prestation remarquable lors d'un concert à Toronto Rock and Roll Revival Festival auquel participent également Bo Diddley, Little Richard, Jerry Lee Lewis, John Lennon et Yoko Ono. Je continuerai la suite par après. Car c'est long, la biographie de Chuck Berry. Ben oui, vous allez me dire, avec autant d'années de carrière. On va s'écouter You Can Catch Me de Chuck Berry. Et on se retrouve tout de suite après. Vous écoutez Backstage. Backstage. 'Twas a flight devil with a powerful motor and some hideaway wings. Pushing on the button and you will hear her sing. Now you can't catch me, baby, you can't catch me. 'Cause if you get too close, you know I'm gone like a cool breeze. New Jersey Turnpike in the wee wee hours. I was rolling slow because of drizzling showers. Yeah, come a flat top, he was moving up with me. Then come waving goodbye in a little old souped up jitney. I put my foot in my tank and I began to roll. Moaning siren, 'twas a state patrol. So I let out my wings and then I blew my horn. Bye bye, New Jersey, I be. Come airborne, now you can't catch me. Baby, you can't catch me. 'Cause if you get too close, you know I'm gone like a cool breeze. Flying with my baby last Saturday night. Putting a gray cloud floating in sight. Big full moon shining up above. Cuddle up, honey, be my love. Sweetest little thing I ever seen. I'm gonna name you Maybelline. Flying on the beam, set on flight control. Radio tuned to rock and roll. 2-3 hours done past the spy. Altitude dropped to 505. Fuel consumption way too fast. Let's get on home before we run out of gas. Now you can't catch me. No, baby, you can't catch me. 'Cause if you get too close, you're gone like a cool. Ah, ce Chuck Berry inoubliable, hein, avec ce son aussi de Gibson, avec You Can Catch Me. Alors, après avoir profité de la vague oldies des années 1970, il a de nouveaux problèmes avec la justice en 1979. Accusé d'évasion fiscale, il plaide coupable et est condamné à 4 mois d'emprisonnement et à 1000 heures de travaux d'intérêt général. À la fin des années 1980, Chuck Berry ouvre un restaurant à Waynesville, dans le Missouri, le Southern Air, où il a encore des problèmes avec la justice pour avoir placé des caméras dans les toilettes des femmes. Berry possède aussi un domaine, le Berry Park, où pendant des années, il a accueilli des concerts de rock depuis les années 1970. Il n'a cessé de se produire régulièrement aux États-Unis et à travers le monde. Il a longtemps joué un mercredi par mois au Blueberry Hill, un restaurant et bar situé près de Saint-Louis. Son influence est restée profonde, particulièrement sur les groupes américains et anglais des années 1960, les Rolling Stones et AC/DC, entre parenthèses AC/DC est australien. Il lui a beaucoup emprunté ce qu'il a apporté. Les Beatles reprennent sur disque 2 de ses chansons durant leur carrière et on retrouve 7 autres sur leur disque posthume. En 1986, le cinéaste Taylor Hockford réalise le documentaire Hail, Hail, Rock and Roll, qui est une grande partie la captation des répétitions et des concerts organisés par Keith Richards pour célébrer la 60e anniversaire de Chuck Berry, lequel y a notamment entouré du pianiste Johnny Johnson, du batteur Steve Jordan, des guitaristes Keith Richards, Eric Clapton, Robert Cray et des chanteuses Etta James, Linda Ronstadt. Le film présente aussi des entretiens avec d'autres stars du rock et du blues. Un album est réalisé en octobre 1987 sous le label MCA. C'est un des premiers musiciens à être honoré au Rock and Roll Hall of of Fame en 1986. Après l'an 2000, il donne une série de concerts qui rencontrent un vif succès, remplissant les salles européennes, l'Olympia de Paris, notamment en 2005, 2006, 2007. Mais le 1er janvier 2011, âgé de 84 ans, l'artiste très fatigué doit interrompre une prestation à Chicago après avoir donné un concert erratique. En octobre 2016, à l'occasion de ses 90 ans, il annonce son retour avec un nouvel album. Là, on va s'écouter un autre titre avec Don Boone Train de Chuck Berry. C'est notre hommage à nous RQC de ce grand, grand, grand monsieur de rock and roll. Backstage, les coulisses du son. Stranger lying on a barroom floor, had drank so much he could drink no more. And so he fell asleep with a troubled brain, to dream that he rode on a downbound train. The engine with blood was sweaty and damp, and brilliantly lit with a brimstone lamp. An imp of fuel was shoveling bones, while the furnace rang with a thousand groans. The parlor was filled with lager beer, the devil himself was the engineer. The passengers were most a motley crew, some were foreigners and others he knew. Rich men in broadcloth, beggars in rags, handsome young ladies in wicked old hags. Scorched their hands and face. Wider and wider the country grew, faster and faster the engine flew. Louder and louder the thunder crashed, brighter and brighter the lightning flashed. Hotter and hotter the air became, till their clothes were burned with each quivering train. Then out of the distance there came a yell. Ha ha, said the devil, we're near and home. Oh, how the passengers shrieked with pain, and begged old Satan to stop that train. The stranger awoke with an anguish cry, his clothes wet with sweat and his hair standing high. He fell on his knees on the barroom floor and prayed a prayer like never before. And the prayers and vows were not in vain, for he never rode that downbound train. Oh oui, Downbound Train, c'était bien entendu Chuck Berry. Alors là, on va attaquer bon la mort de Chuck Berry. La police du comté de Saint-Charles dans le Missouri est appelée le 18 mars 2017 vers 12h40, heure locale, pour une urgence médicale au domicile de Chuck Berry. Après une tentative de réanimation infructueuse, le chanteur est déclaré mort à 13h26 par les secours. Il avait 90 ans. La vie privée de Chuck Berry. Berry s'est marié avec Temata Toddy Suggs. Le 28 octobre 1948, il a eu une fille nommée Darling Ingrid Berry, surnommée Ingrid, le 3 octobre 1950. On va s'écouter un autre titre de Chuck. On va s'écouter Promised Land de Chuck Berry. En couleur, en concert, sur RQC. Straddle that Greyhound and rode him into Raleigh and all. We were 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling out of Georgia State. We had more trouble than turned into a struggle halfway across Alabama. And that hound broke down and left us all stranded in downtown Birmingham. Right away I bought me a through train ticket riding across Mississippi clean. And I was on that midnight flyer out of Birmingham smoking into New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, just help me get to Houston town. There are people there who care a little about me and they won't let the poor boy down. Sure as you're born, they bought me a silk suit, put luggage in my hand. And I woke up high over Albuquerque on a jet to the promised land. Make it to the telephone. Los Angeles, give me Norfolk, Virginia, Tidewater, 1409. Tell the folks back home, this is the promised land calling and the poor boy's on the line. Voilà, donc c'était encore un titre de Chuck Berry, donc c'est RQC qui rend hommage et backstage à ce grand monsieur Chuck Berry. Musique et influence, alors que l'on débat encore du titre qui a été le premier et la première chanson du rock'n'roll, les premiers enregistrements de Chuck Berry dont Maybelline combinent déjà tous les éléments du rock mélangeant du blues et de la country, des textes simples qui parlent de filles et de voitures, des solos de guitare électrique limpides, sans compter le jeu de scène associé dont la danse du dunk walk qui l'a inventé. Le dunk walk, que si vous n'arrivez pas à voir ce que c'est, ben regardez Angus quand il se promène avec sa guitare et vous avez compris. Important l'adhésion du public. Il a élaboré son style à partir d'harmonies simples et répétitives et des textes entraînants ou drôles, mais tout aussi simples. Il a été influencé par la musique country, mais aussi et surtout par le blues, notamment Muddy Waters, chanteur et guitariste qui a présenté Chuck Berry à Leonard Cheese de Cheese Records. Parmi les idoles de Chuck Berry, on compte aussi Nat King Cole, chanteur et pianiste aussi, ainsi que Louis Jordan. Ses plus célèbres compositions ont été enregistrées par les disques Cheese avec le pianiste, donc comme je vous disais, Johnny Johnson, le légendaire producteur Willie Dixon à la contrebasse, Fred Below aux percussions et bien sûr sa guitare au cours de sa carrière. Chuck Berry a aussi enregistré des ballades comme Havana Moon et quelques blues comme Way Way Hour. Plus de 30 de ses titres se sont hissés dans le top 10 de ses chansons et ont été reprises d'innombrables fois par des groupes de blues, de country, de rock and roll, de punk rock et de hard rock. Il enregistre un nouveau tube en 1972 avec My Dying and Lying, qui est numéro 1 au Billboard 100 pendant 2 semaines. Après, je vous parlerai des titres marquants de ce monsieur, donc Chuck Berry. Là, on va s'écouter le Roll Over Beethoven de Chuck Berry. Vous écoutez Backstage. My local

ou au 056 34 07 83 depuis la France 0032 56 34 07 83. Nous vous espérons nombreux, comme chaque année, à venir soutenir la dernière radio libre de la région de Montcroix. En couleur, en concert, sur RQC. Arrested on charges of unemployment, he was sitting in the witness stand. The judge's wife called up the district attorney, she said, free that brown-eyed man. If you want your job, you better free that brown-eyed man. Flying across the desert in a TWA, I saw a woman walk across the sand. She'd been walking 30 miles en route to Bombay to meet a brown-eyed handsome man. Her destination was a brown-eyed handsome man. Way back in history, 3,000 years, in fact, ever since the world began, there's been a whole lot of good women shedding tears over a brown-eyed handsome man. It's a lot of trouble with a brown-eyed handsome man. She had the world in the palm of her hand. She lost both her arms in a wrestling match to meet a brown-eyed handsome man. She fought and won herself a brown-eyed handsome man. 2-3 the count, with nobody on, he hit a high fly into the stand. Round the third, he was headed for home. It was a brown-eyed handsome man that won the game. It was a brown-eyed handsome man. Voilà donc, comme vous le savez, le backstage, c'est un hommage à Chuck Berry. Et là, c'était Brown Eyed Handsome Man de Chuck Berry. Alors, les titres marquants, je vais vous en citer quelques-uns. Johnny B. Goode raconte l'histoire d'inspiration autobiographique d'un garçon de campagne en Louisiane peu lettré et qui connaîtra la gloire grâce à son jeu de guitare inné et talentueux. Le morceau est devenu un des grands standards du rock repris par une multitude d'artistes dans le monde entier. Ce morceau fut choisi comme l'une des plus grandes réalisations de l'humanité emportée par la sonde Voyageur 1 sur le Voyageur Golden Record. Il a été repris par le groupe AC/DC en 1974. Come On est le premier single des Rolling Stones en 1963. School Day, dont le refrain All Hey Hey Rock and Roll a été choisi comme titre pour un documentaire de Keith Richards des Rolling Stones. Ce morceau est repris par AC/DC sur leur deuxième album TNT. Angus Young, grand fan de Chuck Berry, a repris son célèbre pas de danse, le Dunk Walk. Les Toy Dolls ont adapté No Particular Place to Go sur l'album Wakey Wakey. Eddie Mitchell a adapté No Particular Place to Go. Rock and Roll Music a été l'un des premiers titres joués sur scène par les Beatles à Hambourg. Johnny Hallyday aussi, avec l'album Alléluia en 1965. Promised Land, repris par Elvis Presley, ainsi que Grateful Dead, Johnny Hallyday sur l'album Terre Promise. Around Around a été un des premiers titres enregistrés par les Rolling Stones et a également été repris par Grateful Dead, The Animals et par David Bowie sur le titre Round, sous le titre Round and Round. Voilà, donc je peux vous Roll Over Beethoven a été repris par les Beatles dans l'initiative de George Harrison ainsi que par le groupe Electric Light Orchestra dans la version très élaborée de 8 minutes en 1973 dans leur album ELO

will it end for you and me? We'll sing the old alma mater and think of things it used to be. Will it end for you and me? We'll sing the old alma mater and think of things it used to be. When the teacher was gone, that's when we had a ball. We used to dance and play all up and down the hall. We had a portable radio, we was all in the jack, but we'd be all back in order when the teacher got back. Oh baby doll, out the summer free. Oh baby doll, oh will it end for you and me? We'll sing old alma mater and think of things it used to be. Voilà, donc c'était Oh Baby Doll de Chuck Berry. Alors, ben, l'héritage de nombreux groupes ont pris Chuck Berry pour modèle, hein, notamment par exemple Angus Young, le guitariste soliste du groupe AC/DC a repris le Dunk Walk ou Pas de Canard de Chuck Berry sur scène parmi d'autres éléments de sa gestuelle. Il faut savoir aussi que quand on interview Angus Young de AC/DC, vous lui demandez quel est le dernier album qu'il est en train d'écouter, il vous dira tout simplement le dernier Chuck Berry. Keith Richards, le guitariste de Rolling Stone, a également un de ses plus grands fans, son idolâtre, lui a valu un t-shirt brûlé et un coup de poing en pleine figure de la part de Chuck. Il ne sera pas rancunier et il sera l'initiateur et directeur musical du film A.A. Rock'n'Roll réalisé pour les 60 ans de Chuck. Les Beatles se sont aussi beaucoup inspirés de Chuck Berry, reprenant plusieurs de ses chansons à leur début. Eddie Mitchell a adapté en français la plupart des titres marquants de Chuck Berry. Le groupe de rock Butchery, d'où le nom et une contrepétrie évidente de Chuck Berry. Un des membres du groupe au bonheur des dames portait le nom de Chick Berry. The King a repris la chanson Beautiful Delilah et Too Much Monkey Business de Chuck Berry pour leur premier album sur lequel se trouve le mythique You Will Got Me. Je change de page. La chanson School Day fait partie de la bande originale du film Rock and Roll High School sur l'histoire des Ramones. Jimi Hendrix, Frank Marino, les Sex Pistols, Motörhead, Judas Priest ou encore AC/DC parmi quantité d'autres groupes ont repris des chansons de Chuck Berry, le plus souvent Johnny B. Goode et School Day. Les Beach Boys ont largement repris le répertoire de Chuck Berry avec des titres comme Rock and Roll Music ou bien des chansons légèrement inspirées de son style comme Fun, calqué sur Johnny B. Goode ou encore entièrement crédité, bien que de manière controversée, à Chuck Berry comme Surfing in the USA repris par Sweet Little Sixteen. Iron Maiden a repris A Roll Over Beethoven en face B sous le nom Roll Over Vic Vela. Les paroles sont changées. Alors, on va s'écouter un autre titre de Chuck. On va s'écouter Too Much Monkey Business, donc de Chuck Berry. On se retrouve tout de suite après, les amis. Vous écoutez Backstage. Running to and fro, hard working at the mill, never fail in the mail, yet come a rotten bill. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. salesman talking to me, trying to run me up a creek. Say, you can buy it, go on, try it, you can pay me next week. Ah, too much money bending. Too much money bending. Too much money bending for me to be involved in. Blind, half good looking, trying to get me hooked. Want me to marry, get a home, settle down, write a book. Too much money bending. Too much money bending. Much monkey business for me to be involved. Same thing every day, getting up, going to school. No need of me complaining, my objections overrule. Ah, too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved. Something wrong, dime gone, will mail, or the suitor operator for telling me a tale. Ah, too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Been to Yokohama, been fighting in the war. Army bunk, army child, army crew, army car. Ah, too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Working in the filling station, too many tasks. Wipe the windows, check the tires, check the oil, a dollar gas. Ha! Too much monkey business. Too much monkey business. I don't want your botheration. Get away, leave me be. Too much monkey business for me. Too Much Monkey Business de Chuck Berry. Alors, les quelques références dans la culture populaire. Dans Retour vers le futur de Robert Zemeckis, Marty McFly chante et joue de la guitare sur la chanson Johnny B. Goode lors de la scène du bal donc des parents. L'un des musiciens appelle alors son cousin et lui dit « Chuck, Chuck, c'est Marvin. Oui, ton cousin Marvin Berry. Il y a quelque temps, tu m'as dit que tu cherchais un son nouveau. Ben alors, écoute ça. Il s'agit bien sûr d'une référence à Chuck Berry, suggérant que ce serait Marty qui est venu du futur et ayant grandi avec ce son, lui aurait insufflé ce nouveau genre qui était le rock and roll classique paradoxe des fictions basées sur le voyage temporel. Dans Pulp Fiction de Quentin Tarantino, sa chanson You Never Can Tell est utilisée comme chanson accompagnant la danse d'Uma Thurman et John Travolta dans la scène du restaurant. Allez, on va s'écouter un autre titre de Monsieur Chuck Berry. J'ai même pas besoin de vous donner le nom du titre, vous le savez déjà. Backstage, les coulisses du son. Never Voilà, vous avez reconnu, donc bien entendu, hein, rien à dire, Johnny B. Goode, bien entendu, de ce grand monsieur qui était autre que Chuck Berry. Voilà, donc c'est un peu le backstage d'aujourd'hui, hein, que j'ai consacré à ce grand, grand, grand monsieur qui nous a quitté le 18 mars à l'âge de 90 ans. Ce grand, grand monsieur qui n'était autre que Chuck Berry, on peut dire le pionnier du rock sans savoir. Hein. Voilà. Donc, petit récapitulatif, son surnom c'était Crazy Leg. Il est né le 18 octobre 1926 à Saint-Louis, dans le Missouri, et il est mort le 18 mars 2017 à l'âge de 90 ans à Saint-Charles, dans le Missouri. C'est un chanteur musicien de rock and roll, rhythm and blues et de blues, guitare électrique, bien entendu. Un grand, grand monsieur. Et nous, on va se quitter. On lui fait RIP, Johnny. Éclate-toi bien avec tous les musicos qui sont là au-dessus. À mon avis, vous devez faire des jams pas possibles. Et on va se quitter avec You Never Can Tell. Ciao, les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Backstage. En couleur, en concert, sur RQC. Vous écoutez Backstage. Voilà, donc on va s'écouter donc le fameux Chuck Berry avec le titre You Never Can Tell, qui est inspiré sur la bande originale du film Pulp Fiction, où on voit Uma Thurman danser avec monsieur John Travolta. Si vous vous souvenez, cette danse un peu que tout le monde a essayé de reprendre comme ça, un grand, grand tube, bien entendu, que tout le monde connaît. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine. Restez bien branchés sur RQC 95 FM, car il y a de super programmes musicaux, aussi bien du soir au matin, et même les week-ends, les amis. Moi, je vous fixe rendez-vous donc la semaine prochaine. À ciao. Backstage, les coulisses du son. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Robux sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Tempo of the music fell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can.